t'en plaindre, t'es une merde, c'est toi le boss. Truc de fou, je suis encore en réserve d'essence. Si tu savais, on m'a dit plein de choses. Ça tu pour des grandes causes ou même pour pas grand chose. Ah je suis un loup, ah je suis un loup, je vais niquer le game, je veux qu'on croit en nous. Je veux ma villa au bord de l'eau, je suis le pirate, je nique tes matelots. Tout le monde veut son shit, saga dit potable. Tout le monde fait des erreurs, personne n'est coupable hein. Alors comme ça, ça donne des dessous table. Les gens sans cœur sont très redoutables. Et arrête de dire que t'es le king, que tu vois la vie en pink. Dis pas tes idées, ça te les pique. Y'a que des PDH, des NDX sous tension chargée dans leur espoir. Paranoïaque des fois des soirs. J'suis pas un voyou, mais maintenant que j'ai fait des sous, ben on ne sait jamais quoi. T'as des euros, t'as du bif, et tu les montres, toi ça tu kiffes hein. Moi j'aime pas, j'crois contre toi. Et moi c'est ça qui fait la diff. Moins de vues, moins de com, moins de notifs. Mais la vérité entre vous et moi, ma team, j'ai trop envoyé de son, j'me suis noyé, c'est ça le motif. Tous ces gros jaloux me motivent. Je remets en route la locomotive. En ce moment, dans mes textes, j'suis très énervé. J'ai la haine, je suis émotif. Nique ces bâtards qui me prennent pour utile. Ils aimeraient être à ma place quand je retire. Ils sont pleins de grigos, pleins de belles vies. Frère, un grand tol, mais pas icotise. Après ce son, tu vas le remettre. Parce que pour toi, ça sera un remède. Je vais dire que des vérités, les femmes sont éteintes, t'inquiète, on va les faire renaître. Souvent ivre, je me délivre. Je lis la Provence et je lis pas de livre. Je fais ce que je veux, je suis libre. J'observe ma proie, je suis comme le titre. Tu vois, pour ce son, je n'ai pas de titre. Tu vois, si tu me cherches, j'ai une grande troupe. Là, je dis ce que j'ai au fond des tripes. Pour le diamant avec le stream, c'est facile faire le double. Les petits m'ont dit, envoie du DP. Comme ça, on fait la pub en faisant TP. Tu dois avoir toutes les fois la TP. Ouais, mais je fais gaffe à tout leur guépier. Je veux pas finir comme Zépé. D'une attaque soviétique comme les microbes. L'ennemi peut être caché dans la micra. Dans la zone, frère, y'a peut-être des micros. Blablabla, bla, bla, c'est leur quotidien. Remix les histoires, c'est des gros DJ. Suffit que tu fasses une action de gros pour qu'ils portent tes couilles sans savoir qui t'es. Qui t'es poteau, nous on te connaît pas. Tu lèves les mains, tu fais tarpe l'ancien. Tu vas finir dans l'ambulance, tu vas nous décrire dans l'interpellation. J'en réserve des sens, je suis en fumette, je dois rejoindre des sauces. On me dit vite le quartier, ils font que des descentes. Un jour tu vas vieillir, faut que tu préserves tes sens. J'entends plein, t'es une merde, c'est toi le boss. Truc de fou, je suis encore en réserve d'essence. Si tu savais, on m'a dit plein de choses. Si tu pour des grandes causes ou même pour pas grand chose. J'entends plein, t'es une merde, c'est toi le boss. Truc de fou, je suis encore en réserve d'essence. Si tu savais, on m'a dit plein de choses. Si tu pour des grandes causes ou même pour pas grand chose. Grand chose.